Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le MAG sur Radioactive, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité locale. Aujourd'hui, on va parler d'un événement qui va avoir lieu tout prochainement puisque le 4 juin à Amboise, ça se déroulera à la SAGE. Il s'agit d'un forum sur les droits santé. Alors pourquoi cette initiative et comment ça va se passer? On va le savoir tout de suite avec trois invités aujourd'hui autour de cette table, enfin deux plus exactement et une qui nous a rejoint en ligne. Alors j'accueille Aude Leloup, coordinatrice de projet de santé pour la CPTS Asclépios que vous connaissez bien puisqu'on retrouve Aude chaque semaine pour une émission qui s'appelle Santé chez vous. Bonjour Aude. Bonjour Marlène. Voilà, tu changes d'émission aujourd'hui. Très bien. On est également accompagné de Maude Proutière qui est référente des organisations coordonnées et gestion du risque à la Caisse primaire d'assurance maladie de Tours. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous Maude. Merci à vous pour votre invitation. Et puis, également avec nous, Suzanne Alves, qui est infirmière au centre de prélèvement de l'hôpital d'Amboise. Bonjour Suzanne. Bonjour. Qui nous expliquera quel est son travail et pourquoi c'est important qu'elle soit présente également sur ce forum des droits de santé. Alors Aude, est-ce que tu peux nous expliquer comment a émergé cette idée? Alors c'est venu d'un groupe de patients qu'anime la CPTS. C'est-à-dire que les professionnels de santé des différentes maisons de santé qui sont nombreuses sur notre territoire ont voulu associer les patients pour améliorer le système de santé. Donc 13 patients ont participé à 3 rencontres. Ils ont échangé sur les difficultés, mais aussi les points forts, les points faibles qu'ils ont rencontrés dans leur parcours de soins. Et les professionnels de santé essayent de monter avec eux un projet pour répondre à leurs difficultés. En l'occurrence, une des difficultés qu'ils ont fait remonter, c'est qu'ils se sentent perdus avec toutes les plateformes de prise de rendez-vous, les changements de termes, ce que contient par exemple les termes comme ALD, mon espace santé, le DMP. Voilà. Et donc, pour répondre à toutes les difficultés qu'ils ont fait remonter, ils ont eu l'idée de co-construire, donc, avec les professionnels de santé, un forum sur les droits en santé qui aura donc lieu le 4 juin à Amboise. Et c'est donc une première pour nous. C'est vrai que c'est pas mal parce qu'on parle des dénominations, mais il y a énormément de choses qui changent. Si on fait un parallèle, par exemple, avec le Pôle emploi qui est devenu France Travail, Maude, vous n'allez pas devenir France Santé pour le moment, c'est pas prévu? Non, écoutez, c'est pas prévu. Pour l'instant, on reste bien assurance maladie, tout à fait. Mais c'est vrai qu'on peut comprendre que les gens s'y perdent, évidemment. Alors, justement, Maude, est-ce que vous pouvez nous parler du programme de ce forum qui aura lieu le 4 juin prochain? Oui, effectivement, c'est en savoir plus sur les droits des assurés. Quelles aides les assurés peuvent bénéficier? Par exemple, on parle de la complémentaire santé. On va parler également des 100% santé, un certain nombre de choses où, effectivement, on peut bénéficier de tiers payants. On va parler des outils numériques dont vous pouvez bénéficier. Donc venez nous voir à ce forum vos droits santé le 4 juin à partir de 18h30 à Amboise, 4 allées au 14 allées de à Amboise. Et ça sera sur plusieurs temps. Vous aurez un temps d'échange collectif où effectivement on vous fera une présentation d'un certain nombre d'informations. Et vous aurez également à disposition un certain nombre de stands où vous pourrez poser toutes vos questions. Vous aurez donc un stand de la Caisse primaire d'assurance maladie avec Madame Audet, Madame Delésir, Madame Le Talec, qui répondront à vos questions sur les droits. Pourquoi avoir un médecin traitant? Quelles sont les informations qui figurent sur la carte vitale? Pourquoi créer mon espace santé? Et puis, effectivement, est-ce qu'on peut bénéficier d'aides comme la complémentaire santé solidaire? Qu'est-ce que c'est le 100%? Et comment la caisse d'assurance maladie peut également vous accompagner en cas de difficulté d'accès aux soins? Si vous n'avez pas de médecin traitant, si vous avez également des difficultés face au numérique, comme l'espace santé, et plein d'autres questions. Donc, nous serons à votre disposition pour répondre à vos questions sur l'assurance maladie et ses côtés droits et le côté numérique. Vous aurez également un stand tenu par la maison France Service, donc ça peut être les allocations familiales, la retraite, l'emploi, l'assurance maladie et d'autres organismes de services publics. Il y aura également un stand tenu par la CPTS avec la présence de la médiatrice en santé, ainsi qu'un stand de prélèvement de l'hôpital d'Amboise. Voilà, alors sur la partie justement centre de prélèvement de l'hôpital d'Amboise, on est accompagné de Suzanne, comme vous le savez, Maude, à qui je vais pouvoir passer la parole. Enfin, vous aviez terminé peut-être sur le... Oui, tout à fait. Parfait. Je laisse la parole à Suzanne. Très bien, merci beaucoup pour tout cet éclairage. Suzanne, donc vous êtes à nos côtés. Ça fait pas très longtemps que vous avez intégré ce poste, je crois. Oui, tout à fait. Bonjour tout d'abord. Merci de m'accueillir aujourd'hui. Effectivement, j'ai été recrutée il y a peu. Ça fait à peu près un mois maintenant que j'exerce mes fonctions d'infirmière au sein du centre de prélèvement. Donc, j'y exerce plusieurs types d'activités. Ça va de la prise de sang, bilan urinaire, vaccination, test Covid. Et la spécificité un petit peu de ce centre, c'est de pouvoir prendre en charge les patients qui nécessitent d'avoir des saignées. Donc, la saignée étant le traitement de l'hémochromatose ou ce qu'on appelle hyperferritinémie. Voilà. Donc, ce centre est ouvert du lundi au vendredi de 7h45 à 12h30 et de 14h à 16h15. J'y accueille toute personne qui peut venir. Donc, ce sont des soins sur prescription, donc il faut une ordonnance pour les soins. Les personnes viennent avec leur carte vitale, ordonnance mutuelle. Voilà. Et c'est sur rendez-vous, Suzanne, ou pas? Alors, les soins prise de sang, vaccination, test Covid sont sans rendez-vous. D'accord. Puisque je suis présente sur ces créneaux-là pour accueillir les usagers. Et par contre, pour les saignées, bon, ça nécessite un petit peu de temps. Donc, en général, les gens appellent avant, auparavant, et donc on fixe un rendez-vous ensemble. Voilà. Et à ce sujet, donc, il y a deux numéros de téléphone que je peux vous communiquer aujourd'hui. Le 02 47 23 31 65 ou bien le 02 47 23 33 90. Et il ne faut pas hésiter à appeler pour toute question ou prise de rendez-vous. Alors vous, vous avez un avantage, c'est que vous avez la possibilité de faire un accueil privilégié. C'est-à-dire que vous avez le temps, la qualité de service d'accueil. Oui, pour l'instant. Effectivement, donc en général, on a le temps de pouvoir accueillir les personnes. Et parfois, bon, ce sont des soins qui ne sont pas toujours bien vécus par les personnes, parce qu'il y a toujours de l'appréhension, de la crainte. Et bon, je prends le temps avec ces personnes-là pour les rassurer, les mettre en confiance. Et en général, ça se passe très bien. On n'en doute pas. Je crois que, comme le soulevait Aude lors d'un précédent entretien, c'est un poste que vous occupez à mi-temps parce qu'il y a autre chose qui vous occupe bien. Exactement. J'ai été recrutée aussi au sein de la structure hospitalière pour pouvoir développer ce qu'on appelle la PASS, la permanence d'accès aux soins de santé. C'est un dispositif national en fait, qui a été créé dans les structures hospitalières par la loi du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions. Mmh. Aujourd'hui, elle est en déploiement sur l'hôpital d'Amboise puisqu'il y avait déjà une assistante sociale qui exerçait au sein de la PASS jusqu'alors. Et désormais, l'idée c'est de développer cette mission avec la présence d'un médecin qui assurera les consultations et l'assistante sociale et l'infirmière, donc en l'occurrence moi-même. Voilà. La PASS, elle a accueille toute personne qui vit une situation de vulnérabilité, qui n'a pas d'assurance maladie ou qui a partiellement des droits ouverts, peut ne pas avoir de complémentaire santé et qui est un petit peu en marge de parcours de soins. Donc l'idée, c'est de pouvoir évaluer les besoins, que ce soit en termes de soins, de besoins pour la prise en charge de problématiques de santé, mais aussi l'évaluation des droits et d'accompagner les personnes pour qu'elles puissent bénéficier de droits et de se prendre en charge pour après aller dans le droit commun, ce qu'on appelle, pouvoir aller voir n'importe quel médecin. Mmh. Ce qu'on observe, c'est que les personnes qui sont en situation de désociabilisation, les demandeurs d'asile, les personnes qui sont allophones, ont du mal quand même à faire les démarches pour prendre soin d'eux, en fait. Voilà. Mmh. Bah, la barrière de la langue, déjà, d'une part. Exactement. Ça n'aide pas, forcément. Et le dispositif permet, par exemple, d'avoir l'accès à une personne qui interprète pour pouvoir échanger et faciliter cette évaluation des besoins et la mise en place des soins nécessaires. Voilà. Alors, les personnes qui viennent vous voir au PASS, à la PASS, c'est des personnes qui sont prescrites par des travailleurs sociaux ou comment ils ont connaissance de votre existence finalement ? Alors, l'existence des PASS, elle va passer déjà par une communication au sein de la structure pour que tout soignant qui est au contact de patients soit au courant que cette PASS existe et que le soignant puisse nous orienter ses patients. D'accord. Déjà, et après, il y a toute la démarche d'aller vers les structures qui accueillent les personnes en situation de difficulté ou de vulnérabilité. Voilà. Donc ça, va être un deuxième temps, effectivement, de faire connaissance avec les structures autour de la ville d'Amboise et qui accueillent les personnes fragiles. Voilà. Donc le 4 juin prochain, lors du forum sur les droits santé, vous serez là pour justement parler de ce dispositif. Oui, voilà. D'accord. Alors il est actuellement en cours de déploiement. On n'assure pas encore les consultations, mais j'espère que cela va pouvoir voir le jour très bientôt. Voilà. Très bien. Alors Maud, tout à l'heure, parlait de la présence de la coordinatrice CPTS. C'est toi, Aude, qui sera là ? La médiatrice, moi j'y serai pour l'accueil, mais il y aura la médiatrice en santé qui est déjà intervenue sur votre antenne, qui est donc Virginie Habert, et qui facilite l'accès aux soins des patients qui rencontrent des difficultés pour se soigner par eux-mêmes. Et donc, elle aussi, elle a le temps, elle prend le temps avec les patients pour les accompagner, prendre les rendez-vous, faire tomber les peurs, peut-être aller à la rencontre et aussi véhiculer. Voilà, donc elle pourra expliquer tout ça lors de ce forum. Donc un programme très complet à partir de 18h30, on peut y aller après le travail, c'est parfait. Donc ce sera le moment de récupérer toutes les infos importantes concernant les prises en charge en santé et puis tout le jargon qui parfois nous dépasse, on peut le comprendre. Merci à toutes les trois de votre participation. Merci. Merci beaucoup. C'est la fin de ce mag, vous pourrez retrouver cette émission en podcast sur la page Facebook Radioactive 93 et 94.7 FM. Bonne écoute de la suite des programmes.